La course de grenouilles. Il était une fois une course de grenouilles. L'objectif était d'arriver en haut d'une grande montagne. Beaucoup de gens se rassemblèrent pour les regarder et les soutenir. La course commença. En fait, les gens ne croyaient pas possible que les grenouilles atteignissent la cime et toutes les phrases que l'on entendit furent de ce genre. Ah, inutile, elles n'y arriveront jamais. Les grenouilles commencèrent peu à peu à se décourager, sauf une qui continua à grimper et les gens continuaient. Vraiment pas la peine, elles n'y arriveront jamais. Et les grenouilles s'avouèrent vaincues, sauf une qui continuait envers et contre tout. À la fin, toutes abandonnèrent sauf cette grenouille qui seule et au prix d'un énorme effort arriva au sommet. Les autres, stupéfaites, voulurent savoir comment elle avait fait. L'une d'elles s'approcha pour lui demander comment elle avait fait pour terminer l'épreuve et découvrit qu'elle était sourde. N'écoutez donc pas les personnes qui ont la mauvaise habitude d'être négatives, car elles volent les meilleurs espoirs de vos cœurs. Rappelez-vous le pouvoir qu'ont les mots que vous entendez ou que vous lisez, et soyez toujours positif. En résumé, soyez toujours sourd quand quelqu'un vous dit que vous ne pouvez réaliser vos rêves.